bad news, but also good news. You know, it's good news for everybody. Thanks a lot. Sans crime sa jeunesse, pour n'avoir d'usure enrichi sa maison, si pour n'avoir commis homicide ou trahison, si pour n'avoir usé de mauvaise finesse, il fait oh, oh. oui, c'est or, c'est or. Tu sais que car c'est or. Je ne commis jamais fraude ni maléfice. Je ne doutais jamais des points de notre droit. C'est or. Je n'ai bien violé l'ordonnance du roi. Point et prouvé rigueur de oui, justice. Oui, c'est or. J'ai fait à mon seigneur fidèlement service. Roi. C'est or. Je fais pour mes amis ce que je puis et dois. Voilà ce que je suis. C'est or. C'est or. L'obsession du moment, c'est le temps, c'est l'argent, bon c'est or. Mon ami, à qui même les rois ne peuvent donner loi. À qui même les rois ne peuvent. Puis celui seul est roi. À qui même les rois, non. C'est or. À qui même les rois ne peuvent donner loi. C'est l'or. Car c'est l'or. Mon éclairage de la terre. Mon éclairage de la terre. La monnaie qui dirige le monde. Mon cher ami. La monnaie. Qui dirige la terre, c'est la monnaie qui dirige le monde. Qui dirige la terre? Sinon le malheur me poursuit, l'infortune. Même les rois ne peuvent donner loi. Sinon, sinon, peine, sueur, fidélité, humble servitude, longue passion, employé corps et bien, esprit et conscience. Et du tout, maîtriser ta propre timidité. Et du temps. Et du coup, et du temps, l'esprit est inconscient. L'esprit est un. C'est l'heure, c'est l'or. C'est or. Même les rois peuvent donner loi. Chacun son défi. Même les c'est maintenant. Better keep moving. Better keep moving my way. Better keep moving on. We'll be right back. Écosse. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai reçu ce message. J'attendais trop. Rien ne demande, c'est la première fois qu'on m'offre. Comme parle de partout, de parties fines, on me dit qu'il... On voulait que ce soit chez moi. C'est pas loin, y'a pas de gamin, tu vois. On m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est pas une proposition. C'était comme ça, j'étais pas invité à la partie que j'allais héberger. J'étais pas motivé. Il voulait juste que je sois pas là, mais j'ai rien répondu, c'est le genre de message gêné. Vous n'avez pas besoin de préciser. Il voulait pas de moi, Toulouse. À part, voulez pas de moi. Voilà l'ouze. Même pas invité. Yann, il faut que ton monde, ton micro. À la gloire, monsieur. Qu'est-ce que t'as encore fait? Voir monsieur, j'ai rien répondu, t'as vu. Je viens de recevoir et ça pue. J'en ai même pas parlé à ma belle. Et deux. Monte le son Yann. Fallait pas l'inviter, il savait. Zoom me, oh. Thank you. Would you hold my hand while it's on my hands? Sensation, vibration, hein, du Zone. Organise la société sociale, sais demander du temps comme toi. De leur voix un peu plus. C'est dans les vies des sortilèges. Et tu me retiens qui en cours ne démarre pas d'or. C'est mieux. Together.